Le porte-parole des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée a répondu le 2 juin à l'agence télégraphique centrale de Corée à propos du test d'interception de missiles balistiques intercontinentaux des impérialistes américains livré sous prétexte de la menace de la fusée balistique intercontinentale de la République populaire démocratique de Corée. Il a dit notamment « À la base de l'aviation de Vandenberg de l'État de Californie et du territoire américain, les impérialistes américains ont effectué le 30 mai un essai d'interception de missiles en supposant l'attaque d'une fusée balistique intercontinentale de notre République. Il s'agit de provocations militaires dangereuses qui révèlent plus nettement l'ambition de provocation d'une guerre nucléaire. » La témérité militaire aventureuse de l'impérialisme américain montre que les préparatifs d'une guerre nucléaire contre notre République sont à l'étape finale. La frénésie américaine prouve la justesse de notre mesure de renforcement des forces armées nucléaires pour l'autodéfense. Les impérialistes américains parlent avec fanfaronnade de la réussite à l'essai et du niveau des performances du système d'interception de missiles, mais ce n'est pour nous qu'une prétention de ceux qui sont dans l'angoisse. Penser à opposer un système de missiles d'interception à l'attaque d'innombrables engins nucléaires de nos forces stratégiques et à s'en sortir sains et saufs est une grande erreur. L'aventure de l'administration de Trump pour une guerre nucléaire précipitera le territoire américain dans un cataclysme jamais vu.